Bon vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30. Et comme d'habitude, les vendredis, on plonge dans la sphère du 9e art, dans la sphère de la bande dessinée. Et cette semaine, alors que tranquillement, le Festival Québec BD a commencé à dévoiler des pans, des ramifications de sa programmation 2020, qu'on peut d'ailleurs découvrir sur québecbd.com, eh bien nous, on plonge en mode club de lecture pour une nouvelle édition, donc le club de lecture de février. Ça veut dire que je ne suis pas seul en studio. Je suis entouré de sensuels bonhommes. Alors, je les salue au passage. Alors, Jérôme Vermette, bonjour. Salut bien. Édouard Tremblay, bonjour. I want to know what love is. Et Marco Duchesne, bonjour. Salut. Alors, donc, évidemment, ça pourquoi, pourquoi ces lubriques individus sont-ils avec moi? Eh bien, c'est pour le club de lecture, on l'a dit. Je rappelle le fonctionnement. Donc, on a trois libraires en résidence et un animateur motivé. Et à chaque mois, eh bien, on se donne quatre livres à lire, des livres qui sont choisis par l'un des membres du club, donc qui sont proposés aux autres. Et évidemment, toujours avec le défi de se donner un thème, un cadre, quelque chose qui lie un peu les albums entre eux, et qui implique qu'on a une réelle réflexion dans les choix qu'on fait et qui va nécessairement et implicitement aider Édouard Tremblay à faire des liens entre nos choix. Tout au fil de l'émission. Alors, c'est le contexte et ben février, on le sait, c'est un mois particulier. C'est le mois de l'amour où donc Saint-Valentin a été éventuellement donc devenir un saint. Il y a ses martyrs et ces trucs-là, mais on rentrera pas dans le détail de la vie de Saint-Valentin, mais simplement pour dire que c'est ce qui a inspiré Jérôme Vermette, qui a fait la sélection des titres. J'ai mentionné les quatre titres, Jérôme, et ensuite tu pourras nous expliquer, comme à l'habitude, pourquoi tu nous as fait lire ça, dans le plaisir ou dans la tristesse, selon J'aimerais les albums. J'aimerais quand même, si tu permets, faire mes excuses à Marco pour le choix de certains albums. Alors, les albums sont liés. Tu vas le regretter tellement pendant tellement longtemps. On va attendre, là, Marco, il y a un club de lecture qui s'en vient en mars. Ah, c'est vrai? La vengeance est un plat qui se mange froid, ou sinon en mode printanier. Alors, donc, les titres que tu as choisis, Jérôme, c'est Torgal, le maître des montagnes de Rosinski et Van Amme. C'est Pinkerton de François Sanson Dunlop et Alexandre Fontaine Rousseau. C'est Agonie de Marc Beyer, que Marco a assurément adoré. Et c'est Xavier Moussa, Carnation, donc qui complète donc ces quatre titres liés par le sentiment amoureux. Oui, et je crois que vous allez peut-être trouver que j'ai fait des choix particuliers. Peut-être que vous vous êtes dit que je parle de l'amour seulement d'un point de vue romantique. Ceci étant dit, je vais commencer par l'album de Torgal. Déjà, selon moi, un des très bons que Rosinski et Van Amme ont fait. Vous savez tous que c'est ma série préférée depuis des temps immémoriaux. Donc, il y a comme déjà en partant cet aspect-là pour mon sentiment amoureux, si j'ose dire. J'ai pris cet album-là. Une des choses qui est intéressante avec, c'est que c'est un album transitoire. C'est-à-dire que dans toute la saga de la famille Torgalsson, ça n'est un où il ne fait pas pendant avec ce qui se passe avant ni ce qui se passe après. Il peut être lu indépendant. Et notamment, ce que j'aimais bien dedans, je l'ai choisi justement pour l'aspect amoureux, romantique de l'amour. Hein? Le personnage qui est vraiment correspond à ce qui est le personnage romantique dans le plus pur sens de l'histoire de l'art, selon moi, c'est le personnage de la femme que Torgal rencontre par hasard en voyageant dans le temps, entre autres. Et c'est... À mon sens, l'amour le plus pur que Torgal va connaître en dehors de celui de sa femme, parce que lui-même ne le saura jamais que cette femme-là est amoureuse de lui, ça doit être la seule qui, dans toute la série, rappelez-moi si je me trompe, mais qui ne vit pas de faiblesse particulière reliée à ça, mais reste jusqu'au bout droite là-dessus. Même la gardienne des clés subit quelques affronts à cause de son amour pour Torgal. Donc, elle, ce n'est pas son cas. Et je trouvais la finale, la coda reliée à comment l'histoire se termine. Je trouvais que c'était le plus bel exemple, finalement, de cet amour romantique qui n'est jamais consommé, qui n'est même jamais avoué au principal intéressé, qui est Torgal et qui part, finalement, sans même réaliser que il y a eu une femme qui lui a sauvé la vie parce qu'elle était vraiment amoureuse de lui et qu'elle a pris un chemin qu'elle n'aurait jamais pris si ce n'avait pas été de cette rencontre inusitée, qui est due d'ailleurs à cause d'un voyage dans le temps, cela dit. Juste petite parenthèse, cet album-là, quand Rosinski était passé la dernière fois à Québec, Michel Giguère, voilà, excusez-moi, j'ai eu un blanc momentané, l'avait accueilli et puis il avait raconté que c'était son album qu'il avait demandé à Van Am de faire parce qu'il venait d'emménager en Suisse. Donc l'album, on voit le paysage montagneux qui a inspiré Rosinski alors qu'il venait d'emménager dans la Suisse, qu'il aime particulièrement. Comme deuxième album, je voulais parler de... je voulais embarquer sur Pinkerton. C'est le premier album où j'ai découvert Alexandre Fontaine-Rousseau et puis François Sanson-Dunlop. Alexandre Fontaine-Rousseau, qui pour moi est un excellent dialoguiste, il le montre très bien dans cet album-là. Il y a encore là deux choses pour lesquelles je pourrais dire que ça fait partie de mon sentiment amoureux. La première, évidemment, c'est que l'album raconte d'une manière un peu... déluré, si j'ose dire, la rupture de deux amis. Ça fait un peu penser aux Invincibles, par moment d'ailleurs, à bien y penser. La rupture de deux amis, deux jeunes adultes pas très matures, si j'ose dire. Un peu comme on l'a déjà le classique fait. Adolescent. Ben oui, si j'ose dire, puis on l'est tous un peu, hein, on se le cachera pas, qu'on soit homme ou femme. Ceci étant dit, donc, deux hommes qui voient leur relation amoureuse se terminer, se font laisser là par leur blonde respective, et qui réalisent que, pour une raison X, l'album Pinkerton de Weezer, le fameux chef-d'œuvre de ce groupe pop, contient toutes les références qu'ils ont besoin de connaître sur l'amour, et qu'une fois qu'ils vont avoir résolu le fameux puzzle écrit par le chanteur Cuomo, j'ai oublié son nom du chanteur, une fois qu'ils vont avoir compris tout le puzzle qui est à l'intérieur de cet album, ils vont pouvoir vivre finalement leur prochaine passion amoureuse. C'est évidemment plein de dialogues assez savoureux sur la musique, particulièrement sur l'album de Weezer, qui est un de mes albums préférés des années 90 et de fait le meilleur album du band, qui est assez étrange par ailleurs. En 96, quand c'est sorti, le Rolling Stone avait dit que c'était le pire album de 1996, ce qui n'a pas empêché le groupe de devenir culte avec cet album. C'est pas la première fois qu'ils se trompaient. Non, tu savais ce qu'ils ont dit sur Led Zeppelin. Ouais, ben Led Zeppelin, c'est un cas particulier, hein, aussi. je vais y aller avec Carnation, parlant de rupture amoureuse particulière aussi. Carnation, ça, c'est plus intense, hein. Quand même, là, on est dans l'autobiographie et Xavier Mursa raconte une relation toxique qu'il a vécue. Il le fait avec beaucoup, mon Dieu, une mise à nu totale de son âme, de sa relation avec cette femme-là. Il expérimente beaucoup, entre autres, avec l'image. C'est-à-dire que dans cette BD-là, assez particulière, assez intense même, c'est pas toujours suivi au niveau de l'image. C'est-à-dire que des fois, de temps en temps, il prend des représentations symboliques, mais je pense que ça fait juste accentuer son propos sur une relation toxique. Tous ceux qui vont avoir vécu cette mauvaise expérience vont sûrement reconnaître tout ce qu'on peut vivre quand on est la victime en soi de la relation toxique où on se finit par s'oublier ou par ne plus s'estimer soi-même. Évidemment, bon, ça finit par le processus de guérison, mais c'est une bande dessinée très longue, mais qui est vraiment très prenante selon moi et qui est en plein sur... c'est moi l'expression, sur la coche pour expliquer un peu cet aspect-là des relations amoureuses. Donc, la personne qui est amoureuse, la victime va être vraiment amoureuse, mais l'autre, on est plus dans le narcissisme pervers, la manipulation, etc. Le dernier, et non le moindre, que je voulais mettre... Ah, non, parle-nous d'Agonie. Non, parle-moi d'Agonie, là. Oui, bien, Agonie, peut-être vous vous demandez pourquoi je l'ai mis en dehors, qu'évidemment, j'aime beaucoup essayer de présenter des choses variées, et puis parfois même expérimentales. Je pense qu'on est dedans. On est dans la contre-culture de la BD, non seulement au niveau de du récit qui y est présenté, qui est complètement absurde, où on voit un couple qui vit... toutes sortes d'aventures, ils vont se retrouver complètement démembrés, assassinés, toute la quête, en tout cas c'est incroyable tout ce qu'ils vivent, mais même le format de l'album est assez particulier, hein. Tout petit, c'est comme si on avait pris un fumetti puis on l'avait décidé de le couper en trois, puis on avait pris juste une de ces parties-là. Ceci étant dit, la raison pour laquelle je l'ai mis et pourquoi je termine avec ça, c'est que dans tous ces albums-là, la relation amoureuse qui fonctionne le mieux, c'est celle-là. Elle montre vraiment c'est quoi. C'est vrai. C'est-à-dire que dans une vie de couple, eh bien, coudon, il y a plein de choses qu'on va vivre à travers la vie, mais jusqu'à la fin, ces personnages-là vont se tenir tout le temps. Ça commence dès le début, hein. Ils perdent tous les deux leur job en même temps. Ils commencent par s'accuser l'un l'autre, mais après ça, ils vont vivre toutes sortes d'aventures. Et jusqu'à la fin, ils restent ensemble, puis on voit bien que la vie, à la dernière case, leur réserve encore quelques surprises. Mais jusqu'à la fin, et à travers toutes ces folies-là, ils sont encore ensemble, puis ils soutiennent encore, tu sais, tout le temps jusqu'à la fin. Et c'était pour ça que j'avais choisi cet album-là, entre autres ça, plus le fait que c'est complètement fou, là, et que j'aime bien le petit grain de folie. Et que j'ai pensé à Marco quand je l'ai choisi. C'était plus fort que moi, ça me prenait au moins un album pour que Marco me dise qu'il fallait que je retourne à leurs îles. Et finalement, que pour nous montrer une histoire d'amour classique, ben, tu le fais dans le contexte le plus expérimental et absurde qui soit. Ben oui, et oui, j'aurais pu prendre In Waves, c'était super beau, mais on en a beaucoup parlé ces temps-ci, mais non, c'était trop facile. Il s'est dit, je vais choisir celui-là. Duchesne ne dira pas le mot « ligne claire ». C'est vrai que tu ne pourras pas dire le mot « ligne claire » cette semaine. Non, cette semaine... Tu vas pouvoir dire « cubisme » ou des choses comme ça. Je vais dire toutes sortes de choses, sauf « ligne claire ». Alors, Édouard, par comment on commence? Oui, allons-y. Hein, l'amour, hein, l'amour. Un sentiment, ma foi, intrinsèque à l'être humain. Peut-être hein, un des sentiments les plus humains qu'on a. Et donc, bien sûr, par extension, un sentiment auquel on ne comprend rien et auquel on extrapole allègrement le reste, puisque comme tout ce qui est très, très lié à l'humain, on n'y comprend rien. Parlant de rien comprendre, agonie. Vous voyez, je suis de plus en plus soigné. Blague à part, oui, on se le cachera pas, l'histoire d'agonie, c'est ça, on saute du coq à l'âne, c'est éclaté, il arrive un paquet d'aventures complètement rocambolesques. Mais au final, de mon côté, j'en arrivais, en fait, tu m'as littéralement volé mon idée, Jérôme. Ah, je suis désolé. Somme toute, à quelque part, ça me prouve que j'ai pas déliré en analysant le truc, parce que j'en arrivais essentiellement à la même conclusion, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'épreuve de l'amour dans la vie quotidienne. Dans la vie quotidienne, parce que on vit quand même une ère où on a énormément de couples qui se séparent, de divorces, de choses qui marchent pas comme ça. On se le cachera pas, il y a un paquet d'enfants du divorce. Et je me considère parmi encore les quelques privilégiés dont les parents sont toujours ensemble. Mais je veux dire, le regard de cette relation-là ne vient pas à dire ça a été une belle route rose de papillons et de licornes pendant 35-40 ans. Là. Je veux dire, il y en a eu des épreuves, il y en a eu des coups durs, il y en a eu des bâtons dans les roues, mais je pense que s'il y a quelque chose auquel l'amour sert, au-delà de la pure fonction biologique de la reproduction de l'espèce, c'est justement d'avoir à côté de toi une âme sœur, quelqu'un qui vient te soutenir et qui, tu sais, peu importe l'épreuve, peu importe, je veux dire, comme tu sais, la dame, je veux dire, dans la pièce, est littéralement défigurée, elle a pleur de rien, mais je veux dire, elle a la peau mangée. Pour son conjoint, il y a même pas comme une seconde d'hésitation, il n'y a pas comme, ouais, bébé, t'es plus ben. Non, tu sais, c'est, non, parce que l'amour qui est vrai, qui est fort, qui est profond, il va passer au-dessus de ces épreuves-là, il va nous permettre d'avoir une résilience et au contraire d'affronter à deux ce que tout seul on n'aurait peut-être pas été capable en fait de renverser. Et c'est vraiment ce qui m'en est ressorti, moi, d'agonie, c'est vraiment ça, là. Oui, puis c'est de voir en fait quelle manière dans le fond ces deux personnages là vont réussir à s'entraider, à s'accompagner, où on est dans le sens absolu peut-être de l'amour, justement, où on n'est pas dans une dynamique de sexualité, pas dans une dynamique de codépendance, mais dans une dynamique de soutien mutuel, de complicité, Et l'exemple que tu donnes où à un moment donné, en fait, il y a quelque chose qui tombe sur les personnages et progressivement, mais la peau de la femme se met à tomber, elle devient simplement un squelette et là, dans le fond, ben, le chum essaie de l'appuyer, ça a des moments où elle serait prête à tout laisser tomber parce que, je veux dire, à un moment donné, t'es un squelette qui marche, tu ressembles plus à rien, donc qu'est-ce que tu fais? Mais finalement, l'autre personne est là, l'accompagne, l'aide, éventuellement, ça va être réciproque et à travers ça, ben, dans le fond, c'est un peu de nous montrer, évidemment, vraiment une vision, j'ai l'impression, extrême et absurde jusqu'au boutisme de ce type d'association-là, parce que au bout du compte, ce que Marc Bayard leur fait faire dans Agonie, le titre est bien choisi, c'est un véritable calvaire. Je veux dire, il n'y a rien de bien qui leur arrive du début à la fin. La seule chose de bien qu'ils ont, c'est eux-mêmes, mutuellement. Tout à fait. C'est littéralement la seule bonne chose qui leur arrive du début à la fin de l'histoire. D'ailleurs, la première fois, excuse-moi Marco, sera pas... la première fois que j'avais parlé de cet album-là, c'était à ton émission quand on faisait encore des temps jadis. Puis là, évidemment, je l'ai lu sous le spectre de parler surtout de l'amour, mais à l'époque, moi, ce qui m'avait marqué, veux pas, on vit dans un monde, je pense, où il y a une certaine violence qu'on subit tous, que c'est une violence psychologique ou peu importe, du système, whatever. On peut en trouver des centaines de sorte de violence qu'on peut subir de nos jours, et je trouvais que c'était un peu ça sur quoi planchait Marc Bayard, et surtout en le réalisant sous ce spectre de l'émission ce soir, je me disais, bon, ben dans un monde où c'est plutôt difficile justement de garder l'aspect romantique ou tout ça, finalement, au bout du compte, comme tu le fais remarquer, c'est le fait de trouver l'autre personne avec qui on peut passer à travers toutes ces épreuves-là sans même se poser de questions. Puis au bout du compte, malgré le fait que la dernière planche montre que la vie leur réserve encore une méchante surprise à l'intérieur de leur chambre à coucher, on sait que ils vont encore continuer malgré tout, ces deux personnages-là. Et soit dit en passant, chers auditeurs, quand je vais finir par l'avoir. Raymond parle d'un squelette qui marche, c'est à prendre au sens littéral dans le cas oui, d'agonie, là. En fait, il y a le côté absurde, en fait, on va chercher un peu dans tu parlais de contre-culture américaine, ouais. Ce type de BD-là. Et je pense, en fait, faut pas nécessairement non plus implicitement chercher un récit. Et moi, je l'ai vécu comme une expérience, cette BD-là, d'abord et avant tout. Et tu te demandes jusqu'où il va aller. À un moment donné, tu te dis, on peut pas inventer d'autres choses plus absurdes que ça, mais whoops, on rempile. Effectivement. Premier abord, c'est la narration qui aide beaucoup à cette impression-là, parce que ce qu'il faut mentionner, c'est que l'histoire, chaque page est une case. Oui, à peu de choses près, effectivement. Chaque page est une case, donc... si on le feuillette comme ça, ça a l'air d'une grande simplicité, le dessin n'est pas très élaboré et tout. Mais non. Si on s'y attarde, non seulement le dessin est quand même assez élaboré, dans le sens que il y a des décors, les personnages sont toujours mis dans la situation spatiale, avec tout ce qu'il faut comme décor pour nous l'évoquer. Et en plus, ces fameuses situations-là, là, et si chaque page est une image, alors il faut installer la chose à chaque image et l'image d'après. Ce qui fait que il s'installe entre deux images tous les événements qu'il faut pour remplir le truc. C'est vrai. Moi, je l'ai trouvé à la relecture, parce que à la sortie... Je me rappelle pas d'avoir été. Ça prenait rien que toi pour sortir un truc pareil. À sa sortie, je me rappelle pas d'avoir été marqué ou peu importe. Mais le fait que tu le ressortes, et là, je me mets à regarder et tout, là. Et narrativement, c'est assez complexe. Parce que c'est comme raconter. C'est comme un couple te raconte, je vais te raconter notre vie, mais je vais y aller avec les événements. Alors, on a perdu notre job. Image suivante, on essaie de se trouver une job. Image suivante, tu sais. Et là, on a été frappé de ça. En fait, ouais. c'est la version Reader's Digest. Non, mais c'est ça. C'est comme un album photo des pires moments de la vie d'un couple. Mais non, ouais, mais. Non, mais c'est une bonne allégorie. Parce que. Ce qui manque entre les photos, entre les images, c'est probablement les bons moments. Cet amour-là qui doit ressortir, parce que à chaque fois qu'il y a pendant ce temps ou plus tard ou des c'est vrai. Ou chaque fois qu'il y a ces mots-là au-dessus d'une case, il s'est passé quelque chose. Entre chaque case, il se passe quelque chose. Que ce soit dans un temps rapproché ou dans un temps très éloigné, il se passe. Et ça, il est là l'amour. C'est que là, on voit les événements qui se passent, les photos, les images nous montrent le drame, la chose qui arrive. Mais si à chaque chose qui arrive, chaque image est un drame qui se passe, entre les deux. Ça veut entre dire... les deux cases. Et il est là l'amour. Ils sont encore ça, ensemble. Ça veut dire, Marco, pour reprendre un terme de BD, ça veut dire que l'amour est dans les gouttières. Ou l'amour est dans les ellipses. Non, ça s'appelle un espace intercalaire. Ah, c'est comme ça qu'ils appellent maintenant. Thierry Grundstein l'a appelé comme ça. Là. Okay. Alors, on pourrait l'appeler l'amour intercalaire. Oh, oui. C'est bon. Oui, pourquoi pas? Parce que le livre, les images, c'est leur agonie. Oui, tout à fait. Entre les images... C'est, il est là, l'amour. D'ailleurs, t'amènes un t'as point... T'as su lire entre les images pour trouver... Parce que je cacherai pas, il y a beaucoup de mon expérience aussi à travers tout ce que j'ai mis, là... J'ai une relation amoureuse qui était sur le long terme, j'ai vécu ça, puis je sais qu'effectivement, des fois, c'est dans les moments durs que l'amour se construit. T'es sorti avec un squelette? Ah, ça, par exemple, je garde ça pour moi, il est au placard, celui-là. Mais il y a un point que t'amènes, parce que là, ça a l'air complètement fou là, de la manière dont on en parle. Mais ça l'est un peu. Ça l'est un peu, oui, au niveau du dessin, des situations, mais au niveau narratif, l'histoire reste... suivable. Oui. Tu sais, c'est pas... Ah, oui, non. C'est pas non, complètement... c'est une ligne droite. Ouais, c'est non, ça. C'est vraiment juste la cristallisation de certains moments, comme Marco le oui, disait, de dire l'amour est toujours là, il est toujours présent, il s'exprime pas toujours dans sa plus grande force parce que la nécessité y est pas et que là, voilà, justement, j'aime bien l'idée, beaucoup d'idées ouais, des photos. C'est vraiment bien. Puis, et de dire, c'est ça, voilà les moments cathartiques, voilà les moments, les grands épitomes où là, il fallait que l'amour... Ça, c'est quand on est en Floride. On se fait attaquer par un requin. Puis en fait, c'est raconté avec grande simplicité aussi. Je veux dire, en fait, il y a une naïveté qui ressort un peu dans le dessin, quand même, dans le choix des traits, dans le choix de la mise en scène des éléments, une précision dans les mots parce que c'est pas verbeux. On est dans la pure contre-culture de la BD, selon moi. Là. C'est comme le style de dessin n'est pas tant naïf que cubique. Oui. Pleinement, on a l'impression on a l'impression qu'on est dans l'art contemporain là, et ça accentue l'expérience parce que dans le fond on dirait que le dessin justifie les événements justifie le contexte et donc dès le départ c'est annoncé qu'on va être dans autre chose et donc quand le autre chose se présente assez rapidement c'est normal. C'est dans la normalité de l'album et l'album joue avec cette normalité-là aussi et avec les règles qu'il a établies, avec ce qui est possible, ce qui est impossible, parce que visuellement, parce que les éléments sont placés progressivement, puis éventuellement, ben, quand on arrive au squelette, c'est à la fin du premier tiers, on dit, ben, OK, on peut aller partout, là, je veux dire. Ouais. Et ensuite, ben, comment on rempile, comment on développe. Parce que rappelons qu'il y a un des personnages qui perd la tête littéralement, entre autres, puis il se la fait remettre. Tout simplement. C'est dire jusqu'où ça va les difficultés de la vie. Mais ça reste logique dans le contexte. Mais ça reste tout à fait logique. Les images se succèdent là, de ces drames-là. À une vitesse assez rapide, d'ailleurs. Mais c'est ça, c'est comme c'est l'effet speed. Oui. Tu sais, le film speed. Oui. Moi, quand on m'avait dit la première fois, j'avais jamais vu le film à une époque, quelqu'un m'avait dit ouais, mais c'est bon là, mais attention là, l'autobus qui saute par-dessus un truc. J'ai fait ah OK, mais t'embarques dans le contexte ça et marche. Quand t'arrives la scène, je fais OK. Moi j'ai aimé ça dans le sens que ah oui, j'y ai cru. On te l'amène. Oui, c'est là. Exact. Mais dans le contexte des règles du film, dans Speed, l'autobus, c'est justifié. C'est qu'à un moment donné, c'est plus un film réaliste. C'est un film d'action. Et dans ce cas-là, Agony, elle perd la tête, mais c'est crédible parce qu'on te l'amène. Elle va devenir d'abord un squelette. Puis on commence par les drames comme ils perdent le job. Ouais, c'est classique. Alors, Et d'où la complexité du récit. C'est pour ça que je dis, ça a l'air de rien, mais il y a quand même un travail. Et ça, je suis content que tu aies ramené ce truc-là, parce que je t'ai vraiment passé à côté. Parce qu'il y a vraiment un travail, non seulement narratif, mais aussi au niveau visuel. Moi, je suis pas sûr si c'est pas choisi de prendre ce dessin-là. Moi, j'en suis convaincu, là, personnellement. Là, non, mais dis, dans le sens que ces artistes, parfois, tu sais, aujourd'hui, tout le monde peut s'improviser dessinateur de BD. Ouais, là. Ouais. Mais dans ce cas-ci, je pense que c'est maîtrisé. Mais c'est un sujet qu'on avait déjà abordé dans des précédents clubs aussi, de comment le choix du dessin, qu'il soit très naïf, qu'il soit très détaillé, doit en fait servir le propos qu'on veut amener. Qu'un dessin trop détaillé pour quelque chose qui se veut naïf ne marchera pas, que quelque chose de... Donc on fixe en fait nos propres lois et Ce qui m'avait frappé, que si on passe à Carnation, c'est toujours un suspense, en fait. Sur quel album va nous avoir? On savait que ça s'en venait, mais on se demandait. Il faut vraiment être attentif, là. J'ai failli la louper, celle-là. Parce que on a, non, mais dans Carnation, on a également, je veux dire, tout ce symbolisme que Xavier Musso, parce qu'on s'entend, on a, comme Jérôme l'expliquait, notre histoire, disons, assez classique, bien que très, très, très, je dirais, généreuse, exemple pratiquement de toute pudeur, je veux dire, Musso se livre avec une extrême générosité. Avec toute sa faiblesse personnelle. Avec toute sa faiblesse, toute sa naïveté, toutes ses maladresses, tout son... et même si, bon, on se rend compte que c'est, oui, la fille qui est la manipulatrice, qui est la toxique dans la chambre, je veux dire, lui essaye pas non plus de s'excuser de ça, là. Il montre tout ça. Mais en parallèle de tout ça, son processus réflexif comme ça va être marqué par ses inclusions de planches animalières, de symbolisme comme ça, de planches anatomiques, mais qui vont toujours venir appuyer cette espèce de processus mental, comme si à chaque fois, lui, dans le fond, ce qu'il veut nous expliquer, c'est qu'il y a la vie qui nous pose, et il y a ce processus-là qui, lui, exige comme d'aller chercher un petit peu plus loin que ce qu'on voit en avant de nous, que des fois, oui, c'est ça, on va se sentir comme ça. C'est dur de le concrétiser en mots devant vous, chers auditeurs, mais en le lisant, vous allez comprendre tout de suite où va jouer ce symbolisme-là et pourquoi il est là également. Là. Et ben, en fait, quand on parle de carnation, justement, pour poursuivre un peu sur ce que tu disais, Édouard, d'une certaine façon, en fait, il y a des pages là-dedans où, pour moi, en fait, il y a quelque chose d'immersif. En fait, comment réussir à nous amener dans la psyché, dans un état d'esprit dans lequel on est, dans le contexte d'une relation autant difficile que facile, dans ce cas-ci évidemment difficile, mais on va chercher les illustrations, on va chercher d'autres éléments, d'autres types de langage qui nous permettent peut-être de mieux comprendre un peu l'état d'esprit, mais à travers le visuel d'une manière. En fait, ça tient à... cet album-là tient à un fait, c'est que c'est une grande réussite que pour la première fois, parce qu'on a utilisé le mot journal intime à tellement d'affaires, à tellement de choses, que là, ça, le journal intime, c'est tellement ça. Pour la première fois en BD, c'est journal intime graphique. Et c'est une réussite à ce niveau-là parce que il n'y a très peu de scènes raconter, c'est-à-dire les deux personnages ou des personnages qui comme Pinkerton, on va voir plus tard, c'est souvent que des dialogues ou des scènes, je pense à Gonnie, où c'est que des scènes. Mais là-dedans, il n'y a pas de scène racontée du personnage qui y en a à peine. Le reste, c'est tout son journal intime illustré. Et c'est à ça que ça tient, cette réussite-là, car ça pourrait être bien plate, voir la face du petit gars, du petit bonhomme, du gars qui se raconte, mais non, il faut qu'il, pour rendre la chose intéressante, il faut qu'il varie non seulement les images, mais la succession de ces images-là, et qu'est-ce que le symbolisme de ces images-là, et c'est à ça que ça tient vraiment du génie, là. C'est la première fois qu'on réussit à mettre le mot journal intime sur un roman. Parce qu'on, beaucoup de romans graphiques, beaucoup de, c'est intimiste. Oui, c'est un journal intime. C'est un journal intime aussi. Justement, peut-être, ce qu'il y a dans la narration, c'est qu'on y va sur un événement précis, sur une période rapprochée. Donc, on traite d'un sujet à travers le journal intime. C'est pas la vie de quelqu'un en général, puis qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui émerge, parce qu'il y a toujours quand même une histoire dans notre vie, on se construit continuellement. Mais dans ce cas-ci, on est sur une période très, très, très restreinte, c'est précis. Et on voit vraiment l'arc complet là-dessus. On aborde une relation toxique, on aborde une relation tout court. Et en même temps, on le voit aussi à travers le livre, par exemple, comment à travers cette relation-là, il fait le vide progressivement autour de lui, à quel point à un moment donné, ça devient presque un huis clos au milieu de l'album, où on voit juste elle et lui, puis là, tranquillement, à travers la reconstruction, où là, il y a d'autres personnages qui reviennent. Il y a plein d'éléments comme ça qui viennent offrir, dans le fond, une trame narrative qui est claire, qui est riche, puis qui est amplifiée par ce que tu dis, justement, par les images, par le côté que moi, j'appelle, à défaut, peut-être un peu immersif. Juste pour faire du pouce sur ce que tu dis, puis tu vas pouvoir continuer avec ça, mais effectivement, ce que tu dis fait beaucoup, et je dirais même, ce qui est intéressant dans le cas de cette BD-là, des fois, quand il y a trop de... Parce que, bon, Xavier Musso... mais pas beaucoup de bulles, hein. C'est beaucoup là des j'écris dans un rectangle en haut. Ouais, mais en... Et souvent en BD, quand on fait ça, on a tendance à décrire ce qui se passe ou ce qu'on voit. Et lui fait l'inverse. En fait, il écrit quelque chose, il livre son âme littéralement dans ce moment précis-là. Et comme ce qu'il vit, c'est très intense, mais ce qu'il nous livre est très intense. Mais l'image complète ce qu'il dit, nous permet de comprendre davantage, rehausse finalement le texte. Et là, on a littéralement, malgré le fait qu'on voit pas de personnage parler, ça arrive, mais pas souvent dans cette BD-là, faut le dire, l'image et le texte se complètent l'un l'autre continuellement. En fait, à la fameuse réflexion que je me fais souvent, là, est-ce que, tu sais... une image, une BD, c'est un récit raconté en une succession d'histoires avec et le texte tu sais, peut pas se passer de l'image et l'image peut pas se passer du texte, mais dans ce cas-ci le texte serait juste un journal intime et je suis pas sûr que ça serait aussi captivant, ouais, et réussi que si on y enlevait les images là. Ça deviendrait, je pense, ça deviendrait quelque chose, ça resterait quelque chose d'intime et de de tout ce qu'a vécu tout ce qu'a fait cette relation là pour lui, le drame et tout, mais avec les images ça vient comme appuyer ça, juste le texte ça deviendrait banal, ça tomberait, ouais, dans un journal intime ordinaire banal qui se perdrait dans les... Mais avec ces images-là, et Dieu sait que c'est tout le trait du génie de Murat pour raconter un journal intime de cette façon-là, c'est d'utiliser les bonnes images, ouais, c'est d'utiliser les bonnes successions d'images. Parfois, il répète certaines images. C'est vrai. C'est d'aller chercher des bons symboles. C'est d'aller... Et tout ça appareillé à... Ben surtout, ça, surtout ça rend... en regard déjà, hein, d'une grande densité narrative, le bon symbole, comme tu disais, tu sais, le bon choix d'image va aller livrer tellement de sens en lui-même, tellement de profondeur en lui-même qui sauve encore peut-être, je sais pas moi, 4 ou 5 pages de narration oiseuse où il sera peut-être pas arrivé à son résultat. Parce que aussi, et parce que là on parle beaucoup de la relation toxique, mais reste que Carnation aussi, c'est quand même un regard sur une époque. Et oui, il se positionne par rapport à sa relation d'amour, mais il se positionne par rapport à la ville d'Angoulême, ce que Angoulême est en train de devenir, ce que lui-même, bon, considère comme la loose et comment c'était, en fait, le fait d'être un peu un perdant qui devenait un peu romantique ou témoin d'une certaine époque. Et donc, il va constamment, en fait, faire écho, oui, à cette relation-là, mais également, il va renvoyer à toute cette espèce d'analyse sociale-là d'une époque, d'un temps, d'une ère. Comme on retrouve un peu à travers Pinkerton. J'étais comme sans défense dans mon coin en me disant je suis prêt, mais. Parce que, hein, au-delà encore une fois de l'analyse, bien sûr, de la relation, Pinkerton est dans son contexte, dans son traitement, dans son humour, je veux dire, ça peut pas être plus résolument 90, c'est ça, tu peux pas avoir. Moi, j'ai lu d'abord en partant, et je l'avoue très candidement, moi, en partant, Pinkerton, c'était juste un titre. Et moi, tu me dis Pinkerton, moi, je pense à l'agence de détective. Ouais, ben oui, évidemment. Pinkerton, donc, pourquoi Jérôme nous met un western à travers cette histoire d'humour? Déjà, en partant. Et surtout, pourquoi la couverture montre le Mont-Royal? Non, c'est ça. Donc, déjà, tu comprends d'emblée que j'entrais vraiment sans aucune espèce d'attente. Mais je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup attaché aux personnages qui sont hilarants, qui sont vraiment, vraiment, vraiment drôles. Mais j'ai toujours été un gros fan du film High Fidelity. Ah oui, j'avais exactement la même référence. Avec Zach et Jack Black, et on ne peut pas faire le parallèle. Je veux dire, on passe à travers l'analyse d'une peine d'amour, à travers le truchement de la musique. Ça m'a, moi, sauté au visage, c'était inévitable. Oui, puis en fait, c'est un jeu de mise en abîme, parce que dans le fond, on fait une BD qui analyse la musique pour comprendre le sentiment amoureux. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et bon, là, on va se concentrer évidemment juste sur un album, mais en plus, c'est le mixtape, le je veux dire, on renvoie ça à une... Ils vont voir un hommage à Weezer joué par les Weezerettes. Oui, c'est les Weezerettes. Mais tout est tellement 90 ouais. là-dedans. Le projet de film du type qui veut avoir un ninja à la retraite de Dakota du Nord. Je sais, tout. Tu sais, on ne peut pas extraire, je pense, le propos de Pinkerton de cette époque-là. Malgré l'intemporalité, malgré l'intelligence de la chose, malgré son côté extrêmement pince sans rire. Parce qu'on s'entend qu'on a deux espèces de pseudo-intellectuels qui essayent d'objectiviser. Ben, en fait, on a des music snobs, là. Puis une des raisons pour lesquelles j'aimais beaucoup cet album-là, c'est que moi, si je me mets à parler de musique, des fois, je vais avoir tendance à en parler de cette manière-là. Mais c'est que de toute façon, si on prend pour acquis que la musique est un art qui est imbriqué dans son époque, oui. ben, de traiter d'une musique qui a marqué les années 90, mais nécessairement, ça implique de parler des années 90 ou de s'immerger dans l'esprit de ces années-là et dans ce qui accompagnait, parce que nécessairement, on peut pas prendre l'œuvre puis la délocaliser, la décontextualiser. Elle est en réaction ou en continuité. Ah, parce que d'ailleurs, les deux personnages parlent beaucoup au début de leur relation à eux, mais à un moment donné, ils parlent de Weezer. Et, ben, tu sais, je sais que pour la majorité des gens, Weezer, c'est d'abord et avant tout Buddy Holly, là, évidemment. Puis bon, cet album-là, moi personnellement, je le trouve génial. Mais Pinkerton serait comme leur album expérimental où justement le chanteur se livrait personnellement. Puis après ça, les deux personnages discutent de l'œuvre de Weezer après post Pinkerton. Et là, c'est drôle, même les auteurs s'immergent dans la discussion en disant on est désolé, c'est vraiment mauvais. Et puis ça, en tout cas, finalement, ça reste un album également sur la musique, puis moi c'est pour ça que ça me plaît. Puis là, tu vois, ça se termine justement de faire un clin d'œil sur ton hi-fi, ton mot sur hi-fi avec John Cusack, effectivement un film brillant sur l'amour et la musique. Tellement. L'album se termine dans un magasin de musique là où il rencontre la fille. Oui, encore une fois un beau clin d'œil. Ouais, ouais. Mais ça renvoie, mais tu sais, c'est toute l'idée justement, tu sais, de On va prendre quoi toutes les avenues possibles pour essayer de relativiser ça, pour remettre en contexte, pour se remettre dans la game, pour dire, t'sais, on va utiliser les chansons et tout ça. Mais t'sais, au final, la leçon qui en ressort, c'est toujours la même. C'est il y a juste le temps qui finit. Ouais, par ben, oui. faire, je sais, ils ont beau essayer de décortiquer de ben, justement de ce de ce. Mais ça participe de leur catharsis à eux, par exemple. Oui, ça leur fait du bien. C'est, et eux, ils se réunissent en tant qu'amis là. Mais c'est le plaisir de décortiquer quelque chose, ouais. puis peut-être de décortiquer à outrance. Comme on fait mais... en ce moment. Ben oui. Puis en même temps, mais dans le fond, c'est je veux dire, ça fonctionne justement l'option par chapitre, le côté dialogue. Mais si on n'avait pas les dialogues justement, puis la finesse d'esprit de ces dialogues-là, disons que c'est le moteur de l'album, là, veux pas. Mais ouais. Tout à fait. Je vous écoute là, puis vous avez donné vie. Vous parlez de ces personnages-là bien en chair, bien vivants, avec. Mais l'album là, ceux qui l'ont vu là, c'est des bonhommes allumettes là. Ouais, à peine, à peine, sophistiqués. Ouais. Et là, on est à l'autre bout du spectre de Agony où la simplicité du dessin, je disais, il était complexe. J'en venais à ça, c'est-à-dire que Pinkerton, le dessin, cet album-là, le dessin est toujours deux. Trois personnages. L'histoire, c'est pas des scènes qui font avancer l'histoire, c'est des dialogues. Les dialogues, tout à fait. C'est que deux personnes qui font avancer cette histoire-là. Ils sont soit ils marchent, soit ils sont attablés, mais et c'est que des bonhommes allumettes et c'est les dialogues sont d'une qualité et d'une force qui fait en sorte que on oublie que c'est des bonhommes allumettes et on en parle comme si c'était des personnages et ça c'est vraiment extraordinaire. Ouais. Pour moi, j'adore la musique. Ouais. Et effectivement, mais je connais rien à la musique pop des années 90. Alors, le groupe dont tu parles, Weezer, j'ai aucune idée de comment ça sonne. Mais en fait, c'est un peu comme dans ton temps, mettons Hank Williams Senior. Ah, OK. Ah, ça, c'était un couteau, hein. Non, je l'aime moins que William. Non, je comprends. Ouais. Si tu ne l'aimes pas, tu peux... C'est Beethoven que tu fréquentais dans le temps. Ouais. Avait beau y parler, il n'y entendait rien. Même au-delà du propos, j'avais adoré cet album-là. Mais effectivement, mes références à High Fidelity, ça allait. Mais toutes les références musicales de ces années-là, j'avais aucune idée. Mais waouh, la force... tu sais... Ça avait pour moi, cet album-là avait la force de certains films français ouais. où il se passe jamais. Je pense ouais. à un des derniers qui est Le Prénom. Tu sais, tout se passe dans un souper où les personnages discutent et font avancer l'histoire. Ouais. Et c'est ça la grande force de ça. Et rendre des personnages, prendre des bonhommes à limite vivants, là. Faut le faire. Ouais. Et c'est grâce à ça. C'est vraiment grâce à ça. C'était dans leur première BD, il me ouais, semble ouais, aussi. Tout à fait. C'est dur à Alexandre Fontaine et François Sanson d'Unlop de ne de pas avoir conscience du défi qui s'était donné aussi de réussir à travers un dialogue, de réussir à... Je veux juste préciser que c'est pas parce que c'est des bonhommes à lunettes que c'est simple. Non, c'est non, tout. Non, vraiment non, pas. Non, non, il y a un travail dans le bonhomme à lunettes. Là, moi, j'ai essayé d'en faire, moi, des bonhommes à lunettes, puis ils marchent pas. Ils sont attachants, tellement, malgré leur petit faciès, leurs petits sont drôles. C'est un album que je prends plaisir à relire régulièrement parce que, entre autres, Alexandre Fontaine-Rousseau, moi je trouve que c'est un dialoguiste formidable. Ah, là, oui, en bande tout dessinée, à fait. Là, d'ailleurs, là, je prends toujours plaisir à lire les BD qu'il fait. Et soit dit en passant, pour ceux que ça intéresse, là, malheureusement, La Mauvaise Tête, on ne peut plus rien se procurer, je crois, parce pour que le moment, là, oui. Non, c'est ça. Peut-être qu'éventuellement, va racheter le catalogue. Espérons. Mais bon, toujours est-il que pour le même éditeur, ils avaient également en fait Poulet Gringrin, qui était sur un autre sujet complètement, où c'était deux types de la ville qui s'en allaient Gentleman Farmer, et c'était tout aussi savoureux. Mais pour faire un clin d'œil au dessin que tu parles sur cet album-là, ce qui est intéressant, entre autres, c'est la couverture. Puis ça, c'est important de l'en mentionner, c'est que la couverture que fait François Sanson Dunlop, c'est un hommage à la pochette de l'album Pinkerton, où l'album Pinkerton, par contre, c'est un paysage semblable hivernal, mais manifestement japonais. Il a repris exactement la même ambiance, mais là, on reconnaît le Mont-Royal, parce que l'action se déroule à Montréal. Et moi, je trouvais que c'était un magnifique clin d'œil. Donc, non seulement la BD est intéressante à lire, parce qu'elle est plaisante, elle est drôle, puis par moments, vraiment agréable, là. Mais en plus de ça, c'est agréable de réécouter l'album ou de l'écouter pour une première fois avec tous ces clins d'œil-là. Ça reste quand même un album vraiment intéressant. Oui, en fait, je dirais, si vous ne connaissez pas Weezer, ce que je recommanderais, c'est de lire l'album, après ça, d'écouter le disque, après ça, de relire l'album, puis après ça, de réécouter le disque. Effectivement. Effectivement, tout à fait. Puis c'est un album qui, comme les deux personnages, c'est le seul album où Weezer sont sombres en tant que tel, parce qu'habituellement, c'est un groupe pop plutôt happy. C'est du pop-punk. Ouais, c'est chouette, mais bon. en fait, j'en arrive au point, parce que je dois malheureusement faire un erratum sur mon propre propos, ce que j'aime pas faire, mais bon. J'ai dit, hein, bien sûr, qu'en l'amour, le temps arrangeait tout, et la plupart du temps, c'est vrai, mais encore faut-il contrôler ce temps. Attends, c'est une de tes belles. Okay, là, c'est rendu que tu prépares à l'avance. Ça, c'est fort. Foreshadowing. un album de mes meilleurs bientôt. On sortira un montage, un top 10. Et donc, toujours faut-il être maître de ce temps. Et ce n'est pas le cas. En fait, dans notre dernière BD, hein, Le Maître de la Montagne de Torgal. Encore une fois, blague à part, que vous compreniez qu'on se marre beaucoup, les quatre entre nous. ce qui m'a frappé quand on a parlé d'abord, Jérôme, c'est justement bon l'accent que tu as mis sur Torgal. Et je trouve ça fort intéressant. Moi, tu vois, ce qui m'a frappé, c'est Torik, le jeune homme. Ouais. Parce que j'avais là, devant moi... l'aspect, oui, romantique de l'amour, mais justement cette espèce de côté dangereux, à savoir que là, on a la folie d'un désir amoureux. Lui, c'est un incel, c'est clair. Ouais, ben, déjà, tu sais. Mais on a, à travers ça, quand même, je veux dire, toute sa jalousie, toute sa possessivité, toute sa colère, et tout ce que ça amène, je veux dire, qu'il entretient 37 ans, avec toute cette manipulation du temps et tout. Oui, en parallèle, bon, on a justement tout ce que tu amenais avec Vlana, avec Torgal et tout, qui est le côté très romantique, très, pur amour et tout. Mais on a, et c'est, je trouve ça fort intéressant, en parallèle de ça, justement, le personnage... La troisième roue du chaos. De Torik, c'est ça, qui est... regardez encore une fois, je veux dire, c'est encore, on est dans l'air du temps. Alors regardez aujourd'hui toute cette espèce de ces cas dont on parle, les nouvelles et tout, de comment bon l'homme est plus capable de se placer par rapport aux sentiments amoureux, par rapport à la femme, par rapport à tu sais, au mouvement MeToo et tout ça. Mais c'est tout ça torique. C'est, à mon avis, c'est l'épitome de tout ça. Là. C'est une colère qui est incontrôlée. Une colère qui est incontrôlée, mais qui est inconsciente. En fait, parce qu'il n'y a pas de conscience d'avoir cette colère-là. Non, mais qui est pas capable de relativiser justement. Mmh. Lui, il tombe fou amoureux, puis d'un coup, il n'y a plus de perspective. Là, c'est vraiment ça, là, c'est la vraie folie amoureuse qui fait que peu importe ce qu'elle pense, puis il commence comme un personnage sympathique, soit peu importe, c'est ça, peu importe ce qu'elle veut, peu importe la façon dont elle l'envoie, non, moi je vais la convaincre, moi elle va m'aimer, et c'est ma jalousie, ma propre, c'est tout ça, là, c'est le type profondément machiste. Oui, bon, dans le contexte, évidemment, on s'entend, là, on est au Moyen-Âge, à l'époque des Vikings, hein, c'était pas toujours, c'était des mariages arrangés, et c'était pas toujours la grande... C'est Torgal aussi. La grande histoire d'amour extraordinaire. Mais j'ai vraiment aimé comment Torik, justement, par rapport à ça, incarne, à mon avis, toute cette nocivité-là de l'amour qui, justement, tu sais, peut devenir toxique, mais d'une autre manière... Enfin, parce qu'on veut trop, parce qu'on donne trop, parce qu'on exige. Mais parce qu'on est amoureux de l'idée de l'amour, de l'idée de ce qu'on s'en fait, parce qu'on veut la contrôler. Et là-dessus, effectivement, pour moi, je l'ai reçu d'abord, peut-être, on parlait beaucoup de l'amour pur, mais je te rejoins beaucoup, Édouard, là-dessus. Pour moi, c'est Torik que j'ai vu comme la figure amoureuse au départ, où on nous annonce, puis en même temps, c'est intéressant comme renversement, où on nous l'annonce un peu au départ comme une espèce d'histoire d'amourette entre deux jeunes premiers, au bout du compte, qui auraient pu effectivement avoir quelque chose. Et là, tranquillement, ça devient une obsession. Et encore là, ben, on voit un peu l'apanage du visuel, où quand on retrouve Torik 37 ans plus tard, qui est devenu donc ce maître des montagnes, qu'on le retrouve transformé physiquement, dans le fond, qui redevient le reflet de cette obsession néfaste et c'est négative, vrai, qui l'a amené à se justifier de faire des choses terribles parce qu'il les faisait, entre guillemets, pour l'amour. Eh ben, on voit toute la puissance aussi, c'est justement de la mise en parallèle. Et encore là, ben, on en rajoute une couche, où à un moment donné, on a cette confrontation entre le Torik jeune et le Torik vieux. Et là, c'est le moment où le renversement se fait, où il fait le choix de consciemment devenir mauvais parce que finalement, il a perdu tout contact avec la réalité. C'est intéressant ce que tu dis là, parce que tu fais la comparaison du Torik de 37 ans plus tard, qui est, ben, disons-le, n'est pas un prix de beauté. Hein? Il manque des dents, sa peau est ravagée, tout ça. À l'inverse, puis tu disais, sa version de l'amour est profondément centré sur lui, hein, alors que à la fin c'est Vlana. Excusez-moi pour tous ceux qui ne connaissaient pas le punch de l'album. Ben, allez, spoilers, même, c'est très bon, là, spoilers alert, mais c'est Vlana qui devient le maître des montagnes. Elle, son idée de l'amour est complètement abandonnée à Torgal, et quand on la voit 37 ans plus tard, mais elle est pas aussi ravagée que Torik. Donc effectivement, visuellement, on voit la psyché des personnages, ni plus ni moins. Bon, c'est un peu, c'est peut-être un peu grotesque, me direz-vous, mais ça reste que, on se rappelle qu'une bande dessinée, c'est une œuvre visuelle également, là. Oui, mais c'est pas la même motivation aussi, là. C'est ça, effectivement. Torik, c'est pas un esclave, mais il vient de la liberté, il retrouve une espèce de liberté, donc il a été élevé, dans un système qui ne permet pas grand, et là soudainement avec l'arrivée de Torgal, oups, il est poursuivi, il s'est échappé et il gagne cette liberté là. Alors c'est ça influence de loin, mais beaucoup sa conception de tout le reste. Ouais, hein. Puis ce personnage là commence sympathique, hein, d'ailleurs, Torik, ce personnage commence sympathique au départ, quand on rencontre. Mais tu sais, c'est Torgal qui arrive dans un jeu de cul, ça snap, puis il change de temps, puis ça snap, il revient, puis ce qui est drôle d'ailleurs, et pour faire du pouce sur ce que tu dis au départ sur l'album, Edouard, dans cet album là, Torgal est un peu comme Conan, il est ni plus ni moins le témoin de ce qui se passe, il n'agit pas tant que ça, hein. Non, il fait presque rien, hein. En fait, c'est Vlana et Torik beaucoup. Mais Vlana et Torik qui réagissent, mais dans le fond, Torgal nous donne un baromètre. Torgal, c'est le baromètre, c'est la perfection. Et après comme ça, les autres peuvent se mesurer un peu en fait, autour de ça. Ouais, mais si lui n'avait pas été là pour justement donner ce rapport de référence-là, ben nécessairement, on n'est pas dans Indiana Jones Les aventuriers de l'Arche perdue, où il n'aurait pas été là, l'histoire se serait arrivée exactement comme ça. Donc, pareil. Donc, dans ce cas-ci, il y a quand même une utilité et un impact sur tout à fait. Mais en fait, c'est ça, c'est l'espèce de baromètre moral et tout. Tu sais, ça snap, il change d'époque, il dit à Torik, attends, là, telle affaire, là. Ouais. Ça snap, il change de... Ouais, mais attends, t'étais comme ça, là. Ça snap, il revient, puis il dit, mais rien qui change. mais c'est ça, la beauté de Torik. Il change... Tu sais, son obsession... son obsession va jusqu'à la fin. T'sais? Tout à fait. Mais c'est aussi, je pense, c'est, vous allez voir, sans tomber encore une fois dans le sentiment amoureux, mais la dureté aussi d'un temps, parce qu'on parle de romantisme et tout, mais moi, cette scène que j'ai beaucoup adorée aussi, quand justement la première fois que Vlana rencontre Torek et Torgal, ça renvoie à toutes les femmes comme ça qui ont été, tu sais, au Moyen Âge, seule en plus, vivre seule comme ça, et tout d'un coup, parce que aujourd'hui on se dit, oh, bon, c'est, on est à l'époque des Tinder, on rencontre l'étranger, on a, bon, il y a encore une peur bien sûr, mais là, imaginez, là, vous avez, il y a pas d'autorité, il y a pas de roi, il y a pas rien, là, on est seul au milieu de nulle part. Quelle belle époque. Arrive deux personnes qu'on connaît pas, armées. Je dis, le premier réflexe, c'est pas, ah, oh, bienvenue, cher voyageur, venez donc prendre. C'est qu'est-ce qui me va? Elle sort son arc, puis. Ils sont là pourquoi? Son arbalète, s'il vous plaît. Son arbalète. Mais tu sais, c'est ça, là. Et elle va justement prendre son arbalète, menacer les deux types, parce que justement, il y a tout c'est encore là, ce poids d'une époque, d'un contexte, dit, bon, l'amour dans tout ça. Ah, cet aspect encore là brutal, tu sais, cet aspect comme on prend, on donne, on arrache, tu sais. Mais dans le contexte où Vanham puis Rosinski dans Torgal, souvent quand même on va nous proposer des figures de femmes qui sont relativement fortes. C'est-à-dire les femmes qui ressortent dans cette série là, c'est pas des faibles femmes sans défense, c'est des femmes qui sont capables de prendre leur destin en main. Vlana en est un exemple, à certains degrés, je veux dire les crises de Valnor en un autre, il y en a plusieurs comme ça donc qu'on mettait de l'avant aussi. Pour faire du la suite avec ce qu'Edouard dit là, crise de Val-Nord, on l'a bien vu dans les spin-offs qui ont été faits. Elle est devenue ce qu'elle est justement parce que l'époque est présentée comme étant très dure pour les femmes, par contre. Là, mais là, Vlana, effectivement, elle, c'est un personnage fort qui vit seule dans les montagnes, en plus. Puis on voit bien qu'elle n'est pas, pas un laideron, hein, non plus. Puis il y a l'effet que, tu sais, tu disais, arrive deux gars armés, mais ils arrivent d'où, tu sais? Ouais. Ça snap, ils apparaissent. Oui, en plus. Non, mais... Elle est tout seule dans le bois. J'imagine qu'elle est des milliers de kilomètres de la civilisation, mais bang! T'sais. Et d'ailleurs, ils sortent de la maison. D'ailleurs, l'intelligence et le truc de ces fameux voyages dans le temps, tellement bien servi en BD par Rosinski, c'est-à-dire, t'as une image où, tu sais, il se relève, la grange s'est effondrée, il se relève et l'image d'après, le temps a changé. Et tu sais, il utilise vraiment l'espace intercalaire. Ah, j'ai l'impression. Ouais, vraiment. Il utilise, puis en même temps, le fait d'avoir choisi de limiter ces voyages-là à un endroit très, très, très précis, à essentiellement deux époques très, très, très précises aussi, ça évite de se perdre là-dedans. Donc, c'est clair par le dessin, c'est clair c'est narrativement. Ça. Et c'est génial parce qu'il fait pas de flonflon. Ben, c'est vraiment. Il n'y a pas de fouillis temporel. Tu sais, il n'y a pas de petites images qui disent, et voilà, les petits picots expliquent. À leur manière, Vanham et Rosinski, c'est des maîtres, dans tout à fait. Puis c'est assez, il me semble, c'est assez indéniable là également. Puis l'histoire est au-delà, justement, bon, l'histoire va superbement bien menée, les rebondissements, les retournements. Ah ouais, j'ai feuilleté un peu, je partage pas ton amour indéfectible. J'en ai quand même apprécié quelques-uns, mais il faut bien reconnaître que celui-là est vraiment très bien mené. Ouais. L'histoire super le fun, le punch et tout. Ne serait-ce que pour ça, ça vaut la peine. Et ça nous rappelle, en fait, que si on avait lu Torgal jeune et qu'on a fait l'erreur de pas les relire en vieillissant, mais que comme d'autres séries qu'on a amené au fil des clubs. Mais je pense que c'est une série qui mérite aussi justement cette relecture-là, si on ne l'a pas fait. Et j'ai l'impression que pour se remettre un peu dans le bain, ben, un épisode comme celui que tu nous as proposé, Jérôme, ça nous montre le potentiel aussi de ces héros-là et la capacité de ces auteurs de les mettre en exergue, les mettre de l'avant. Ah, puis là, Edouard nous a montré qu'on pouvait en faire une lecture très récente. Hey, alors c'est ainsi qu'on termine le club de lecture. Marco, ça va être toi le prochain, en mars? Youhou! Alors, on se tient au courant. Ça va de quoi tu veux parler. Oui. Alors, Marco Duchesne, Édouard Tremblay, Jérôme Vermette, nos trois libraires en résidence de chez Pantoute et de La Liberté. Merci à vous trois. Merci. Et nous, c'est ainsi qu'on termine cette édition de La Vie en BD. La semaine prochaine, entre autres choses, puisque c'est mars, le mois de la petite Russie, Francis Desharnais sera avec nous, entre autres invités, pour lancer ce mois. Alors, c'était Raymond Poirier au micro. Passez une bonne soirée et une bonne semaine sur les ondes du 89.1 CKRL.